Troisième partie, la chasse et la nuit. Le lion solitaire, plein de l'immense oubli qu'ont les monstres sur terre, se rendormit, laissant l'intègre nuit venir. La lune parut, fit un spectre du menhir, de l'étang un linceul, du sentier un mensonge, et du noir paysage inexprimable un songe. Et rien ne bougea plus dans la grotte, et pendant que les astres sacrés marchaient vers l'occident, et que l'herbe abritait la taupe et la cigale, la respiration du grand lion, égale et calme, rassurait les bêtes dans les bois. Tout à coup, des clameurs, des cors et des abois, un de ces bruits de meutes et d'hommes et de cuivres qui font que brusquement les forêts semblent ivres et que la nymphe écoute en tremblant dans son lit. La rumeur d'une chasse épouvantable emplit toute cette ombre, lac, montagne, bois, prairie, et troubla cette vaste et fauve rêverie. Le hallier s'empourpra de tous les sombres jeux d'une lueur mêlée à des cris orageux. On entendait hurler les chiens, chercheurs de proie, et des ombres couraient parmi les claires-voies. Cette altière rumeur, d'avance, triomphait. On eût dit une armée, et c'était en effet des soldats, envoyés par le roi, par le père, pour délivrer le prince et forcer le repère, et rapporter la peau sanglante du lion. De quel côté de l'ombre est la rébellion? Du côté de la bête ou du côté de l'homme? Dieu seul le sait. Tout est le chiffre. Il est la somme. Les soldats avaient fait un repas copieux, étaient en bon état, armés d'arcs et d'épieux, en grand nombre, et conduits par un fier capitaine. Quelques-uns revenaient d'une guerre lointaine, et tous étaient des gens éprouvés et vaillants. Le lion entendait tous ces bruits malveillants, car il avait ouvert sa tragique paupière. Mais sa tête restait paisible sur la pierre, et seulement sa queue énorme remuait.